Nous nous sommes penchés sur les lettres adressées par l'apôtre Jean aux églises d'Éphèse et de Smyrne, et nous avons vu en particulier que la première de ces églises avait perdu son premier amour pour le Seigneur et que la deuxième subissait la persécution. Or, d'étroites analogies lient les diverses parties de l'Écriture sainte. Ainsi, les expériences des chrétiens d'Éphèse et de Smyrne me font penser au peuple d'Israël à l'origine de son histoire nationale. Lui aussi a connu le premier amour pour Dieu avant de passer par l'épreuve, les privations et les souffrances. Israël avait été l'objet d'extraordinaires délivrances. Le joug de l'esclavage de l'Égypte avait été secoué, l'armée de Pharaon avait été engloutie dans la mer Rouge et le peuple chantait les louanges de l'Éternel, son libérateur. Il était alors tout feu tout flamme pour son Seigneur, vibrant d'amour pour son Dieu. Des siècles plus tard, l'Éternel rappelle à Israël ses dispositions de cœur. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Jérémie, chapitre 2, verset 2. Mais le temps a passé. Au lieu de la mer Rouge, ce fut la dure expérience quotidienne du désert, ce grand désert affreux où Israël a tourné en rond pendant 40 ans. Bien sûr, il fallait cette école-là pour que Dieu prépare les futurs occupants du pays promis et qu'il forme son peuple à le servir. Passons maintenant à l'histoire de l'Église au cours des âges. Elle aussi a connu une expérience comparable à la miraculeuse délivrance de l'Égypte en ce que Christ l'a affranchie du monde et du péché. Elle aussi a triomphé d'un pharaon qui la poursuivait, c'est-à-dire de Satan et de ses attaques. Elle aussi a brûlé du premier amour pour son Seigneur. Puis, elle a aussi vécu l'expérience du désert, un désert de privation et de souffrance. Les trois premiers siècles de l'ère chrétienne furent un temps d'épreuve pour elle. Les disciples du Seigneur étaient dénoncés, emprisonnés, pourchassés jusque dans les catacombes. On ne pouvait croire en Christ sans souffrir pour lui. Le sang des martyrs fut versé. Mais ce fut la semence de l'Église. Plus les condamnations à mort de ces héros de la foi étaient nombreuses, plus il y avait d'autres chrétiens pour se lever et reprendre la place des martyrs en portant plus haut encore le flambeau de l'Évangile. Et ces persécutions ne se sont pas limitées aux trois premiers siècles de l'ère chrétienne. Pendant toutes les périodes de l'histoire, l'Église a connu des privations, des luttes et des tribulations. Au XVIIe siècle, les Huguenots pourchassés dans les Cévennes constituèrent les Églises du désert. Les pasteurs du désert réunissaient des assemblées clandestines dans les cavernes ou dans des ravins quasi inaccessibles. Ceux qui suivaient le Seigneur en cette époque tourmentée ont été pourchassés jusque dans les montagnes. D'autres ont passé des années dans les geôles ou sur les galères, tandis que des femmes étaient incarcérées à Aigues-Mortes, à la tour de Constance. Mais dans toutes ces tribulations, le Seigneur a fidèlement soutenu ses enfants qui sont sortis victorieux de l'épreuve. Il en est de même de ceux qui souffrent aujourd'hui pour leur foi. Ils reçoivent les coups, ils endurent les supplices, ils subissent le lavage de cerveau ou la torture. Mais ils persévèrent sur ce chemin, car ils savent que le Seigneur a réservé une couronne à tous les vainqueurs qui le suivent jusqu'au bout. C'est là le message de la lettre à l'église de Smyrne. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. La couronne de vie réservée à ceux qui ont supporté patiemment la tentation a été promise aux vainqueurs de Smyrne. Aujourd'hui encore, elle est proposée aux croyants qui suivent leur Seigneur jusqu'au bout. L'apôtre Paul a pu dire à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Et si vous voulez d'autres références bibliques pour confirmer cette promesse, lisez aussi Jacques 1, 12 et Apocalypse 3, 11. Je répète, Jacques 1, 12 et Apocalypse 3, 11. Véritable tonique pour les enfants de Dieu, l'Écriture vient toujours au secours de ceux qui sont éprouvés en Christ. Quand l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs d'amour, nous découvrons une espérance qui ne trompe point. Nos souffrances s'estompent devant la gloire future qui nous attend. Par conséquent, nous pouvons même nous réjouir dans les afflictions. L'apôtre Jacques écrivait « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Épître de Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 3. Lorsque l'Écriture parle de souffrance, la préposition « après » se trouve très souvent dans le contexte. Elle nous invite ainsi à regarder aux conséquences positives que l'épreuve doit produire et à ne pas nous arrêter à l'épreuve elle-même. Le programme du Seigneur pour les siens, c'est toujours les souffrances premièrement et la gloire ensuite. Jésus-Christ affronta lui-même le pire des supplices, sachant qu'il serait suivi d'un glorieux après. La transcendante victoire de la sortie du tombeau est l'entrée dans la gloire céleste avec la multitude de ses rachetés. Or, le disciple n'est pas plus grand que son maître, et nous devons passer par la communion des souffrances de Christ si nous voulons aussi connaître la puissance de sa résurrection. Certains ascenseurs ont un contrepoids qui descend lorsque la cabine s'élève. Il en est de même dans la vie spirituelle. Le degré de consécration monte quand la croix de Christ descend plus profondément dans l'expérience personnelle. En ce jour, vous ressentez peut-être douloureusement et intimement le poids des épreuves permises par le Seigneur. Mais cette pénible expérience est certainement nécessaire à votre sanctification, et la profondeur de vos souffrances élèvera votre esprit dans l'intimité d'une communion plus réelle avec Jésus-Christ. À l'église de Smyrne, le Seigneur s'était présenté comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Étant revenu à la vie, il pouvait communiquer une nouvelle vie à ceux qui en éprouvaient le besoin et qui le lui demandaient. Jésus-Christ, le premier et le dernier, celui qui est avant toute chose et qui demeurera toujours, pouvait seul garantir à ses fidèles témoins une parfaite protection dans les dangers auxquels ils allaient être exposés. Son secours leur était assuré dans leurs afflictions et sa récompense était une certitude pour eux, comme elle est une certitude pour tous ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. Le mot Smyrne dérive du grec Smyrna, qui signifie myrrhe. La myrrhe était apportée d'Orient en ce port de la mer Égée. Elle faisait l'objet d'un trafic d'une telle ampleur qu'elle donna son nom à la cité. Cette résine, au goût amer, provenait d'un arbrisseau d'Arabie. On en faisait du parfum, mais elle servait aussi d'antispasmodique et d'analgésique. C'est pourquoi, au calvaire, les bourreaux proposèrent au Seigneur crucifié du vin mêlé de myrrhe. Jésus refusa toutefois le calmant, car il voulait souffrir, et souffrir jusqu'à l'extrême, par amour pour nous. Lorsque deux disciples, Nicodème et Joseph d'Arimathée, ont enseveli Jésus après le supplice de la croix, ils ont embaumé avec de la myrrhe son corps marqué des empreintes de la souffrance qu'il avait endurée pour le monde. Évangile selon Jean, chapitre 19, versets 39 à 40. Cependant, quand Christ reviendra pour imposer son règne ici-bas, on ne lui présentera plus de myrrhe, car pour lui, ce ne sera plus le temps de souffrir. C'est pourquoi le prophète Ésaïe annonce que les envoyés des nations viendront à lui en lui portant de l'or et de l'encens. Ésaïe chapitre 60, verset 6. Pourquoi? Ces envoyés des nations reconnaîtront alors que Jésus-Christ est à la fois leur roi à qui ils offriront de l'or et leur Dieu à qui ils porteront de l'encens. Mais cette myrrhe, qui a donné son nom à la ville de Smyrne, ce calmant, cet aromate, ce parfum, ne nous parle-t-il pas aussi du sacrifice d'agréable odeur à l'Éternel, consenti par les chrétiens de Smyrne lorsqu'ils souffraient le martyre? Les souffrances des chrétiens de Smyrne se sont élevées vers Dieu comme un parfum d'agréable odeur, comme la myrrhe qui coule d'elle-même, dont on se servait au tabernacle, Exode 30, verset 23. Ce n'était pas une consécration forcée, mais le libre consentement du don de tout l'être, ce qui pour nous aussi devrait être notre expérience quotidienne pour devenir agréable à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur cherche pour son service des hommes et des femmes qui s'offrent sans contrainte pour remplir l'office que les vainqueurs de Smyrne nous ont légué, des hommes et des femmes fidèles jusqu'à la mort et qui recevront un jour la couronne de vie. Les trouvera-t-il parmi nous, chers auditeurs? À vous et à moi de répondre. Mais sur nos genoux.